Oslo de Ville présente. Une étoile dans la gorge. C'est ça qu'il me faut. Des trucs pleins de rouille qui traînent dans la poussière et le soleil. Une longue ligne droite, une ville vide. Un endroit perdu où mon crâne marche pieds nus entre les hangars et les silos. C'est ça qu'il me faut. un maximum d'espace. La transhumance des nuages, des convois exceptionnels, des milliards de ciels bleus en liquide, la masse intense et poétique. Un beau bordel, une étrange cohérence, un pur silence, ouais. C'est ça qu'il me faut. L'éternité, mais pas trop. L'éternité sans la condamnation, l'éternité sans la perpétuité. L'éternité, et puis un trou dans le grillage, c'est ça qu'il me faut. Quelques bosquets, quelques fossés, dans le bleu des bois, le bleu foncé, et la lumière des Indiens qui éclaire le chemin quand il n'y a pas de lumière et quand il n'y a pas de chemin, c'est ça qu'il me faut. Du pinard, du fromage et du pain, une bonne branlette, un geste du cosmos, une pause dans mon jour de repos, le temps d'apprendre à jongler avec les grosses caillasses de mes pensées, que tous les petits caillots se mettent à tournoyer, que tous les petits tournois se mettent à rougeoyer. Ouais, c'est ça qu'il me faut. L'éternité, mais pas trop. L'éternité sans la condamnation. L'éternité sans la perpétuité. L'éternité, et puis un trou dans le grillage. cigarette et café noir, café noir et cigarette. Chaque matin de chaque jour de l'année, je reproduis les mêmes gestes, je commande les mêmes choses en ville. Les amis que j'ai gardés n'ont pas changé et nous finissons par nous raconter les mêmes histoires qui fleurent bon le plat du jour, dans une cafétéria fréquentée par des habitués. Certaines sont poilées et dorées à la graisse d'oie, ce qui nous fait bien rire et passer un chouette moment. D'autres, marinées au poivre vert et rôties au miel, nous plongent dans un silence cul de plomb, jusqu'au dimanche soir. Et tu sais mieux que moi comment ça finit. Cet enclos, on pense, ça y est, je l'ai, puis tout se couvre de bourgeons. La tendresse de la nuit ferait notre architecture. Suis-je seul et solitaire, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Si ma terre est nostalgique et si le ciel est boueux, que vaut l'éclat d'un regard? Amoureux nu, nu depuis la nuit des temps, j'attends une histoire d'amour. Ok, je suis un ignorant, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire du garçon de la montagne qui n'était pas paysan, prends cette ombre d'un visage encore humide au matin qui blessait dans les parties basses, descend du peuplier. Mais enfin, berger malade, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne se passe rien, mais je ne m'ennuie pas. Le soleil va vers le vide. Je suis bien là, comme si j'étais très loin, comme si j'étais tout seul, comme si j'étais chez moi. La vie en caravane me recharge le cœur, me berce le bide, me donne à réfléchir, documente mon scepticisme. Je suis bien là. Je m'amuse avec les stéréotypes autant que faire se peut. Je profite un peu de la fenêtre météo, de l'insuline, de l'air sublime qui passe soudain sur l'île, du graphisme étrange des arbres, des grands oiseaux inquiets, des grands oiseaux tranquilles. Hein ? Ouais, le créneau est parfait. Je suis bien là. Je continue d'aimer tout en continuant à me méfier et je revisse mes yeux rincés dans les sérums limpides, servi par la verdure juste au moment du crépuscule. Et mes oreilles ont soif aussi que j'étanche aussitôt à la source qui paye toujours en liquide. Ça veut dire que la musique remplit l'espace de toute sa classe. Ça veut dire ferveur. Ça veut dire fragilité. Ça veut dire jolie sensation au niveau du scrotum. Ça veut dire que je sais maintenant que je n'aurai ni le loisir ni le temps de choisir la couleur de mon slip. Quand le Seigneur me rappellera à ses côtés. Liberté de mouvement, coton extensible. Je suis bien là. Mes pattes sont en train de cuire. Les paradoxes sont en train de m'instruire. Comme d'habitude, les seules promesses que je tiens sont celles que je ne fais pas. Il ne se passe rien, mais je ne m'ennuie pas. Le soleil va vers le vide. Je suis bien là. Thank you. can't remember anything at all. Flame trees line the streets. Can't remember anything at all. But I'm driving my car down to Geneva. I've been sitting in my basement patio. It was hot up above. Girls walk past, their roses all in blue. Have you ever heard about the Higgs boson? Going down to Geneva, baby. Gonna teach it to you. Who cares? Who cares what the future brings? Black road long, and I drove and drove. On a crossroad, the night was hot and black. I see Robert Johnson with a $10 guitar strapped to his back, looking for a tune. This canon law and 100 black babies running from his genocidal jaw. He got the real killer groove, Robert Johnson and the Devil Man. Dunno who's gonna rip off who. Driving my car. Flame trees on fire, sitting and singing the Higgs boson blues. I'm tired, I'm looking for a spot to drop. All the clocks have stopped in Memphis now. In the Lorraine Motel, it's hot, that's why they call it the hot spot. I take a room with a view. Hear a man preaching in a language that's completely new. Spiritual groove, everybody bleeding to the Higgs boson blues. And if I die tonight, bury me in my favorite yellow patent leather shoes. I'm with a mummified cat. Does the African simulated rainy season begins. She curses the cue with the Zulus and moves on to Amazonia. Cries with the dolphins. The mama ate the pygmy. The pygmy ate the monkey. The monkey has a gift that he is sending back to you. Look, here comes a missionary with his smallpox and flu. He's saving them savages with his pig's bones and blues. I'm driving my car down to Geneva. Geneva. Miley Cyrus floats in a swimming pool in Toluca Lake, and you're the best girl I ever had. Can't remember anything at all. Thank you. Au lendemain de la tue cochon, nous rentrons à la nuit. Tu conduis distraitement. Tes mains, dont le toucher inattentif n'agace plus mes seins, sont posées sur le volant, inutiles et machinales. Et pourtant, les pulsations, la joie brutale et l'affolement prennent mon corps quelquefois, comme à l'instant où je tourne la tête secouée d'une joie muette devant une pelletée de roses suspendues à une ornière. Tu me dis « À quoi tu penses ?» Et je ne peux pas te répondre qu'avant de te fermer les yeux, je verrai encore dedans l'ennui sertir les rayons noirs de leur iris. Ce même ennui qui flottera avec les pans de ta chemise lorsque tu écraseras soudain la pédale d'accélérateur jusqu'à la chute dans la rivière, dont seul je sortirai indemne pour t'enterrer à même la rive. Why? Dehors, il y a des villes rouges, des rivières qui font les fiers, des chemins de cailloux et des boutiques pleines de courses, des grandes personnes qui téléphonent, des enfants bruns sur des toits, des montgolfières qui prennent la fuite, des singes qui rient quand ils se croisent, des sacs poubelles en haut des arbres et parfois même des feux de joie. Dedans, il y a des salons sans goûter, des armoires silencieuses, de la vaisselle en papier et de belles robes de chambre. Des grandes personnes qui chantonnent, des enfants roux sur des lits. Et moi, au milieu de tout ça, je ne peux pas faire de choix. Alors je peins des jardins sur les murs de ma chambre, pour jouer à rentrer dehors, puis jouer à sortir dedans. Thank you. nothing behind, even though for once you're shining. Standing on higher ground, when you hear the sounds, you realize it's just a wind. And you notice it matters, doing what you let under your skin. Thank you. Plus j'avance dans ce désert brûlant, et plus je deviens glace. À 20 ans, je ne sais plus mettre un pied devant l'autre. Je recule à vue d'œil, sur le tapis roulant d'un immense magasin, plein de gadgets et de musique qui fondent comme des clous dans mes yeux. Le rythme que j'appelais ma peau, la voix que j'appelais ma voix, pas même un écho. Le bruit de la mer qui était rage et vie ou tam-tam de mes rêves s'est fait pierre. Musique enrouée de grincements de portes qu'on referme ou divine chasse d'eau. Et les nuages, les merveilleux nuages m'apportent de charmantes pensées dont la plus touchante est la crainte de bientôt mouiller le fond de mes pompes. Plus j'avance dans ce désert brûlant et plus je deviens froid. À 20 ans, je ne sais plus faire jaillir les monstres. Mon chapeau magicien retourné sur la route devient écuelle à charité. Les singes y jettent quelques accessoires électriques, des verres cassés, de lunettes noires, des syllabes écrasées. Et dans la nuit nouvelle qui m'entoure, je rassemble autour de moi des monceaux de silence. Le futur se construit comme un appartement sous la neige, au 50e étage d'un arbre millénaire, vidé de meubles, mais que des êtres emplissent assis dans la cuisine, où l'on entr'ouvre à tour de rôle une bouche pour accrocher de nouvelles lumières. Pas d'incendie ce soir, mais un feu de bois, et tout autour, la mélodie de deux mains amies battant les cartes, sous une lampe de 15 watts qui ressemble à ma vie. Quand de l'orage qui s'abat au dehors, je n'entends plus rien. And